tant de cœurs brisés, tant de cœurs brisés, chaque nuit, chaque jour. Pleurs versés, tant de pleurs versés, chaque nuit, chaque jour, pour l'amour. Sur la route, je m'en vais, je pleure moi aussi, moi aussi, moi aussi. Vers celle que j'aimais, je ne reviendrai jamais, plus jamais, plus jamais. Tant de cœurs brisés, chaque nuit, chaque jour.